Metal Express avec Eric. Vous avez pris le bon wagon du Metal Express. Salut les fans! Heureux de vous retrouver donc comme chaque lundi de 19h à 21h. C'est Eric avec vous pour vous accompagner dans ce fameux Metal Express. Et ce soir encore, il y aura pas mal de nouveautés car j'ai reçu beaucoup de choses. Je vous rappelle que vous nous écoutez donc sur Radio Heavy Metal, que nous avons des partenariats radio. Il y a Fréquence Zik, Indé Spirit et Canal Fuzz Radio. Voilà. Radio Heavy Metal a également sa page Facebook. Vous pouvez aller y faire un petit tour et un petit like ne vous coûte rien. Il y a également maintenant sur la page Facebook Radio Heavy Metal. Vous tapez sur la page Facebook Radio Heavy Metal et vous allez voir, c'est une nouvelle page. Donc si vous n'avez pas encore liké, allez-y et vous pouvez me laisser en même temps quelques petits messages et j'y répondrai. Voilà. Donc ce soir encore, ça va être un programme d'enfer, un programme chargé en nouveautés. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai reçu beaucoup de choses. Il y aura du hard rock, heavy metal, death metal, thrash metal, black metal. Et également, il y aura du rock. Donc, il y en a pour tout le monde. C'est ça le Metal Express. Allez, on va pas perdre trop de temps maintenant. On va commencer avec un groupe qui s'appelle The Gang. Et le morceau qu'on va écouter s'appelle Rock'n'Roll Rebels. Allez, bonne écoute dans le Metal Express. Et néons ensemble jusqu'à 21h. Yeah. c'est excellent. Le groupe s'appelle The Gong avec le morceau Rock'n'Roll Rebels. Allez, ce groupe suédois s'appelle Wildness et on écoute le morceau Stranger. Ce groupe donc s'appelle Wildness avec le morceau Stranger, donc à l'instant dans le Metal Express, alors que voici arrive tout doucement White Highway avec le morceau City Lights. Bonne écoute! Le groupe s'appelle White Highway avec le morceau City Lights. Ils sont polonais donc, et c'est un mélange de rock, hard rock. Allez, voici le nouvel album de Crystal Ball. Le morceau s'appelle Greasy in the Night. Crystal Ball, donc, c'est extrait de leur nouvel album et le morceau qu'on vient d'écouter, Greasy in the Night. Metal Express. Metal Express. Metal Express. Metal Express. Anyway. out of control. She's all ignited, I'm on the fire, well, I'm out of control. I just took it too much and I can feel my leaves when I'm out of control. And I don't give a damn about what you think, about what you think, what you say anyway, anyway, yeah. Well, I'm a ghetto blaster, yeah. I'm a ghetto blaster. Well, I'm a ghetto blaster. The Walty Old Bus avec le morceau Ghetto Blaster, donc c'est un mélange de blues rock. Le groupe est parisien et donc c'est chez Kilbrass Records. Et au passage, je remercie Pat Kebra pour m'envoyer tous ses CD. Merci à toi. En attendant, voici un petit jingle. Ta radio revient juste après ça. Juste après ça. Tu as un groupe de métal? T'aimerais qu'il soit diffusé? Pour ça, contacte Radio Heavy Metal sur Facebook. Allez, voici Manson, ça s'appelle Drag On Forever. You two know how much I love every day spent with you, everywhere I want. You two know how much I love you, so it will drag on forever. It will drag on forever. How will you let me know if you want to stop? How will you let me know? I can read the future in your smile, you know, and the touch of your hand, and so it will drag on forever, you know. It will drag on forever. Thank you. guess I want you to know how much I love. Every day is spent with you, everywhere I want you to know how much I love you. So it will drag on forever, you know. It will drag on forever, you know. It will drag on forever, you know. It will drag on forever. Manson, donc, avec Drag on Forever, donc, extrait de l'album Indian Ghost. Si vous voulez en savoir plus, donc, vous allez sur la page Facebook Kebras Records et vous contactez Pat et vous en saurez un peu plus sur tout ça. En attendant, voici Equinox. Et le morceau qu'on écoute s'appelle A Light in the Chaos. Bonne écoute dans le Metal Express et c'est Eric avec vous jusqu'à 21h. Equinox, donc avec A Light in the Chaos. L'album va sortir donc le 4 mai, qui s'intitule The Cry of Gaia. C'est vraiment un excellent album, donc précommandez-le. Vous allez sur la page Facebook Equinox et vous allez voir tout ça. En attendant, voici le nouvel album de Blitzkrieg, le morceau Rain of Fire. Bonne écoute dans le Metal Express, et c'est Eric avec vous jusqu'à 21h. Is it? À l'instant, donc, dans le Metal Express, Blitzkrieg, extrait de leur nouvel album, intitulé le morceau Rain of Fire. Tout de suite, voici un groupe rouennais au nom de The Exigzid. Je vais le redire tout à l'heure parce que je me suis complètement lourdé. Ça s'appelle le morceau Tu fais chier, tout simplement. Allez, ça s'appelle DJDZ et c'est un groupe rouennais. Tu penses avoir ta chance, un chasseur hors pair, mais ça, il n'y a que toi qui penses, tu fais chier! Tout le monde en soirée! Tu fais chier! Tu fais chier, non mais sérieux, tu pourrais pas l'affirmer! Société, pourtant ta brillance n'a d'égal que ta sobriété, tu fais chier! Tout le monde en soirée! Tu fais chier! Tu fais chier, non mais sérieux, tu ne pourrais pas l'enfermer, tu fais chier! Regarde bien, tout le monde s'est marré! Tu fais chier! Tu fais chier, non mais sérieux, tu ne pourrais pas l'enfermer! Normand donc The DJDZ avec le morceau Tu fais chier. Donc ils ont une page Facebook, vous pouvez aller y faire un petit tour et un petit like au passage fait toujours plaisir. En attendant, voici le nouvel album de Joe Satriani et le morceau qu'on va écouter s'appelle Energy. We'll be right back. après ça. Juste après ça. Tu as un groupe de métal ? T'aimerais qu'il soit diffusé ? Pour sa contact radio et V-Metal sur Facebook. Et oui, oui, rien de plus simple. Donc sur la page Facebook, vous nous contactez, ou bien sur la page Metal Express maintenant. Le groupe s'appelle Lords of the Tramps. Ils nous ont contactés. On écoute le morceau Fassender. Bonne écoute dans le Metal Express. Ils sont français et ils sont corses. Voilà, donc ils sont Bastiais, donc Corse, ils ont une page Facebook, le groupe s'appelle Lord of the Tramps, et un petit like sur leur page Facebook, ça ne vous coûte rien, donc allez y faire un petit tour et ça vaut le coup. En attendant, voilà, qu'arrive tout doucement. Le groupe s'appelle Blood of the Wolf et le morceau qu'on va écouter, pardon, Sanders Dreams of War. Je cherchais dans mes fiches. Stars are getting worn. My spirit's rise. When night is dead. Voilà, donc le groupe s'appelle le Blood of the Wolf avec le morceau Sender the Dreams of War. Maintenant, on va attaquer avec Ardelix. Le morceau s'appelle Popcorn Public, donc c'est leur nouveau CD. Il a été un petit peu remasterisé. Vous allez voir, c'est excellent. Vous pouvez donc le trouver un peu partout. Également donc chez Fritz Le Havre. En attendant, voici Ardelix. Voilà donc le nouveau Ardelix avec Popcorn Public, un excellent CD, donc vous pouvez vous le procurer donc à leur prochain concert donc, et puis également vous pouvez aller sur leur page Facebook et puis bah, vous contacter Matt ou bien Fran. Donc je les remercie au passage car il m'a envoyé le magnifique CD en carton avec un petit livret dedans à l'intérieur. C'est excellent. Franchement, merci à vous. En attendant, on va passer à autre chose. Voici Afrodelia avec Welcome Apocalypse. Ça arrive tout doucement, mais sûrement. Donc, je vous rappelle que vous êtes dans le Metal Express et c'est Eric avec vous jusqu'à 21h. Voilà, donc le groupe s'appelle Asphodelia et le morceau qu'on vient d'écouter à l'instant, Welcome Apocalypse. Allez, ce groupe s'appelle Voltaire et le morceau s'appelle Zombieland. Bonne écoute dans le Metal Express. Just do it. Voilà, donc le groupe s'appelle Voltaire et le morceau Zombieland. Et tout de suite, les dédicaces. Et oui, oui, les dédicaces, donc comme chaque semaine. Oula, j'ai du mal. La première, donc, c'est pour Valérie Rebas, donc, qui m'a demandé Skid Row avec le premier morceau Wasted Time, suivi de Halloween Before the War, et puis ensuite Scorpion avec Wind and Chains. Allez, bonne écoute dans le Metal Express, et c'est Eric avec vous jusqu'à 21h. thought you'd let it get this far, Bond. squat down to Gonky Park, listening to the wind of change. August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. We could be so close, like brothers. The future's in the air, can feel it everywhere. I'm blowing with the wind of change. Dans l'heure, donc, on a eu Skid Row avec Wasted Time, suivi de Halloween avec Before the War, et à l'instant, donc, Scorpion avec Wind of Change. Ça a été demandé donc par Valérie Robas pour son mari Henri. La prochaine dédicace, donc, ça m'a été demandé par Hannibal pour sa fiancée Aude. Voici le groupe Monster Magnet et le morceau qu'on va écouter s'intitule Ejection. c'est pas vraiment le bon. C'est parti cette fois. Donc ça finit très très court. C'est donc que le groupe Monster Magnet avec Ejection, ça m'a été demandé donc par Hannibal pour sa petite chérie. Et bah j'ai tout dit quoi. Le prochain morceau, la prochaine dédicace, donc c'est Agnès qui m'a demandé Anthrax. Ça s'appelle Skeleton in the Closet. Allez, on écoute ça. This record came out in 1987. And if you would have asked me then what my favorite song was, well, it would have been this one, because for me, it really defined what Anthrax sounded like to me in 1987. And you know what? In 2017, it's still just as fucking relentless. This one is called A Skeleton in the Closet. We'll be right back. Voilà donc le groupe Anthrax, demandé par Agnès, et c'est en live en plus. Le morceau qu'on a écouté, A Skeleton in the Closet. Tout de suite maintenant, une autre dédicace, c'est Tommy du Havre qui m'a demandé Wasted, ça s'appelle Sleazy. Apparemment c'est un fan des années 80, alors on écoute Wasted. Wasted à l'instant, donc avec Sleazy. Ça m'a été demandé par Tommy, donc du Havre, qui est fan des années 80. En attendant, voici le groupe Fécampois Agiro. Ça s'appelle What We Were. Si je l'ai bien dit, What We Were. Et ça, donc, je le dédie à tous les Fécampois. Oh là là, là, tous les Fécampois qui nous écoutent. Love is derived. The two black pencils don't write. voix donc Agiro avec What We Are War. Ils vont sortir le 18 mai leur nouveau EP avec entre autres Grégory le Prêtre guitare chant et Florian Réau à la batterie chant et Jérôme Scouti, si je prononce bien, à la basse chant. Donc ils sont de Fécamp. Et on a hâte d'entendre ce nouveau EP. En attendant, voici Judas Priest, le nouvel album donc qui s'intitule j'ai perdu l'affiche encore une fois. Le titre s'appelle Lightning Strike. Décidément, ce soir j'ai du mal. Et ça m'a été demandé par Sylvain de Paris. Donc, allez, voici Judas. Et vous êtes dans le Metal Express avec Eric jusqu'à 21h. On me dit que l'album c'est Firepower, merci. Voilà donc Judas Priest à l'instant dans le Metal Express avec Lightning Strike. Ça m'a été demandé par Sylvain de Paris. En attendant, voici Highway, ça s'appelle Wake Up. Et ça, c'est pour mon ami Avalon Louis Chameau. We'll be right back. strange is this reality? Which night on the same boulevard, I feel like a house of cards. No name, just fame, just living in a fantasy. Voilà, donc c'était le groupe Highway avec Wake Up, et ça je l'ai dédié à mon ami Avalon Louis Chameau. Allez, maintenant voici un groupe qui s'appelle Cobra and the Lotus, et le morceau qu'on va écouter, Let Me Love You. Bonne écoute dans le Metal Express. Oh, darling. Cobra and the Lattice avec le morceau Let Me Love You. Donc, c'est un excellent groupe de heavy metal, pardon, canadien. C'est une chanteuse au nom de Cobra Page. Et puis, c'est dans un style comme Iron Maiden, voire Dio. De bonnes références, donc. Allez, ça c'est un groupe israélien et ça s'appelle Hotbox. Et le morceau qu'on écoute s'appelle Rap Guillotine. Been dead, done dead. Hold up, wait a minute. When I spit it, jaws drop. See me spitting gritty lyrics to the speakers go pop. And I ain't gon' stop till the world top or flat. Break it down, hit it with the rhythm. I'ma get 'em, gonna gotta do get, but I gotta get. I'm a back, motherfucker. Go boom like shakalaka. When I spit, I'm hella lit. I never quit. I'm a fucking shaka. Sucker, you couldn't hang. You never had the mojo. Put the bang right high. motherfucker, been there and done that. Hold up, wait a moment, I mean I don't get voted. All this new school boy, I might as well throw a stone cold opponent. Hold it, move right on my way, kid, nitro. Little bit of metal, I'm motherfucking metal, I'm gonna, I'm motherfucking psycho. A microphone is a weapon, the force to back you with cracking rips. I'll be all up in your face, like what's cracking, bitch. Who let out the cracking shit, man, I'm spitting for the hell of it. Nowadays, new school rappers sound like they just got a brand new clip. Shit, when I make the penny, better show you don't wanna give it a flip it again. I'm gonna fancy the motherfucking jumping and chilling, but I'm messing with the corporation. Living a bunch of females, come profit, bend a finger, go shove it, run. You wanna mess with my crew? Fun fact, mine's on screwed, but you ready for combat. Rough neck, acting up for sunrise, sunset. Wait a second, I'm looking, you can't go know what's cracking that. You wanna mess with my crew? Fun fact, mine's on screwed, but you ready for combat. Rough neck, acting up for sunrise, to sunset. Motherfucker, been there, done that. Motherfucking dungeons of rap. Fake suckers don't make it back. I'll put your head in a sack. Yeah, throw your hands in the air. Say yeah, yeah. Say yeah, yeah. Now throw your hands in the sky. And let's fly like you're ready to die. Motherfucker, now throw your hands in the air. Say yeah, yeah. Say yeah, yeah. Now throw your hands in the sky. And let's fly like you're ready to die. Ready for combat, rough neck, nothing up from sunrise to sunset. Stupid motherfuckers gonna couple in this nonsense. You wanna mess with my crew? Fun fact, mine's unschooled, we ready for combat. Rough neck, nothing up from sunrise to sunset. Wait a second, I'm making you guess, don't know what's wrecking. You wanna mess with my crew? Fun fact, mine's unschooled, we ready for combat. Rough neck, nothing up from sunrise to sunset. Motherfucker, been there, done that. Voilà, donc je vous rappelle qu'ils sont israéliens, ils s'appellent Hotbox et le morceau qu'on a écouté, Rap Guillotine. Il est temps que ça se termine pour moi parce que j'ai vraiment du mal ce soir. Alors je vous rappelle que cette émission donc sera en podcast demain soir sur la page Facebook Radio Heavy Metal, également sur la page Metal Express. Je rappelle également que Metal Express sera en rediffusion, on va commencer par Canal Fuzz Radio, c'est-à-dire mardi de 20h à 22h, et Fréquence Zik, oh là là là là, j'ai du mal, Fréquence Zik, dimanche à partir de 21h jusqu'à 23h. Donc nous, on se retrouve la semaine prochaine, et donc la semaine prochaine, ce sera le spécial Metal 80. Notez bien, Metal 80, semaine prochaine, donc... Je vous rappelle que si vous avez envie de passer une petite dédicace ou voir m'écrire pour passer à l'antenne, n'hésitez pas. Il y a la page Facebook, comme je vous ai dit tout à l'heure, Radio Heavy Metal, voir la page Facebook Metal Express, ou bien la boîte mail que je vous donne, c'est Radio Heavy Metal 76@gmail.com. Voilà, bah écoutez, moi j'ai tout dit. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à lundi pour le spécial Metal 80. Allez, ciao !